Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Pwanza, tcha tcha, tobakini. O table ronde, tcha tcha, baganyeo. Oni Pwanza, tcha tcha, tozumiye. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Pwanza, tcha tcha, tobakini. O table ronde, tcha tcha, baganyeo. Oni Pwanza. Bandeko batali ya Kinshasa, bana ya Congo Brazzaville, bana ya Matadi, bana ya RDC na pesi binombote bomone penzati nazale na esengo pambate ngonga bobandaki kozela ekoki ngonga oyo tokomi kolobela biso na bino masolo matali bongo histoire ya Congo démocratique mboka na biso pona yango bipai biso bozuri baku ya kolanda biso na kopesa bino penza mbote pebo landi bolamu ya masolo ya mokoloma lelo zete ya mbila ato zale moto ya makasi ya ndenge nini soki bakata oloboko moko okomata yango te masolo ya kitoko boye na koki kosala yango ngai penza te to yambili susu pona bino oyo babandaki kobenga kosenga ete azonga lisusu pona kopesa biso sango ya tina penza Oyetali ekolo na biso Congo démocratique na tangi wana honorable Thomas Loaka Los Angeles wana kopesa mbote na ondeko mbote mingi ndeko Floripe ndeko mbote lisusu na bandeko nyonso baza kolanda biso boyebi penza te Thomas Loaka Los Angeles azali wana secrétaire général ya mouvement de libération du Congo MLC na yelongo tokokabola bongo makanisi kati na masolo ya polele polele zoka ndebo sengeli koyeba te mikolo mutiko leka tozalaki ne teni ya liboso eteni ya mibale lelo ezali bongo eteni ya misato polele polele ya lelo eboti mwana moko topesi ye kombo je connais le Congo ezali masolo maye makolobela lisitwale ya mboka na biso Congo démocratique ndeko tomalo wakana kanisi bandeko batali basepeli pamba te ezala balakisi ezala bayekoli batata bamama bakumi penza na esengo ya kuyoka yo kulanda yo lokola momesano ko pesa bango histoire ya Congo démocratique mboka na biso baike balingaki bayeba est-ce que Thomas Loaka aza historien merci mingi de côté na kanisi na mission na uteko emission uteko leka na lobaki yango ngai na sala histoire te ngai na sali droit na sali pe science politique na université na sali histoire te mais histoire ya mboka na biso Congo oyo ezali eloko moko na sepelaka na ngo mingi nazali passionné ya histoire yango wana na kotanga tanga a gauche a droite ko solola na bato bas vivaki na epoko wana parce que nayo ki motuna na ezako yela ngape mwa mingi yango ya zolo ba makambango est-ce que azalaka wana te na periodo tozali nazaki na botamite mezani nde kosolana ba mikolo epi kotanga ba buku yango esalike na azana mwa maîtrise muke ya histoire ya mboka na biso ya solo na kanisi ezali bongo eteni ya misato ya maso na biso na eteni ya mibale tobandaki tango mboka na biso Congo démocratique ezwaki lipanda kino tango potopoto tope kowelana eyaki kobima kati na tata mokonzi ya ekolo Joseph Kasavubu pe oyo azalaki mokambi ya gouvernement totangi wana Nkondo Emery Patrice Lumumba wana nde esika masolo ya mokolo wana esukaki bongo lelo lokola libaku epesameli biso lisusu mpona kosolola biso na bino tokombekana na kotala likambo ya mwana ya Nkondo Emery Patrice Lumumba ezalaka mpenza ndenge nini na nsima na yango tokombeka kobwaka ma miso mpona kotala toyokaka balobaka bato ya Lumumba batikaki kisasa bakendaki na Kisangani tango bakomaki kuna makambo etambolaki mpenza ndenge nini mobulo yaki kobima elekaki boni mpe boyokani to mpe réconciliation oyo esalemaki motindo nini banani balukaki te boyokani wana ekoka kosalema tala na mokuse bandeko batali makambo oyo tokolobela elongo na mwana mboka Thomas Luaka oya ndimili susu kuyanola na mbela oyo bopesaki epai na biso honorable tokolegisa susu tango te tusukaki na mokano oyo tata mokonzi ya ekolo ya eloko wana Joseph Kasavu bazwaki ya kolongola premier ministre Emery Patrice Lumumba tolingi toyeba tango azwaki mokano wana atikaki etika ya wana ya premature etikaki pamba atiaki moto mosusu tope atiaki te ezalaki kaka mpona Lumumba ye moko tope ezalaki na bato mosusu. Merci mingi ndeko Flori. E, na kanisi lelo lisolo ya lelo tokoza na mwa badati mingi donc ba, ndeko basala ka mwa attention na badati pona ko comprendre développement ya lisolo na biso ya lelo ndenge tolobaki le 5 septembre 1960 président Kasavu azui décision ya kolongola ko révoquer premier ministre na ye et Patrice Emery Lumumba na ordonnance wana zwaki alongola ki Lumumba ye mokote na article 2 tomoni pe atangi ndambo ya ba ministre mususu ya gouvernement gouvernement mobimba te alongoli ka premier ministre na batu ndambo batu wana bazalaki nani Antoine Gizenga vice premier ministre Kasavu balobi yo po longwe musalisili et puis ya kolongola lisusu Roger Mwamba azalaki ministre ya justice Christophe Gbenye ministre intérieur na Anise Kachamura ministre information voilà groupe ya batoyo Kasavu alongola ki bango na Lumumba alobi pona bino musala esili mais sikoyo ndenge tolobaki mokolo wana kaka le 5 Kasavu alobaki na ba 20h10 et puis un peu plus tard na butu wana kaka Lumumba yemo ka ekoleka na station ya radio tango wana tokobenga le RTNC ezalaki na boulevard omoni esika ministère ezali ya genre famille et enfants, voilà. Na concession wana nde sika radio nationale ezalaka. Donc Lumumba ye wana yepe ayeko pesa message na ye alobi ngai pe na longoli na révoquer président de la République. Mais lobi nango décision ya Kasavubu ya kolongola Lumumba. Kasavubu batu batuna qu'est-ce que azaki na pouvoir ya kolongola premier ministre ou pas? Ce que tali loi fondamentale na article 22 Kasavubu azalaki na prerogative wana azalaki na nguya wana ya kolongola mais moi défaillance moko ezalaki tango a décidé le 5 loi fondamentale et lobby boy puisque président de la république jamais akoyi koya ko samba na parlement na politique babenga kango azali irresponsable akoyi koya ko samba na parlement te décision nyonso ya président de la république il faut ministre moko a contresigné yango pone zwangu ya poli kambu mukolo likama ikokoma ministre wana nde bakosambisa ina parlement donc zeki na comprendre bien tango tata Kasavu azimo kana kolongola Lumumba esengaki ministre moko patia roboko na kata exactement les 5 wana asinyaki kaka yemoko donc décision na ezalaki illégal ba expliquer yango na butu wana le 6 ayeko luka ba ministre bako yeko signer na yepo na kolongola premier ministre na bango ayeko zo batu mibale ba o ba contre signer na le 6 pona ko valider décision ya kolongola Patrice Emery Lumumba ezali nani signature ya Justin Marie Bomboko azalaki ministre affaires étrangères et na Delvo ya koma mafuta kizola bango mibale nde ba yeko contre signer décision wana ya kolongola Lumumba na fungola pe parenthèse moko parce que o ezali mémoire na lobaki mokondi ya ya CIA awa na Kinshasa azaki américain comme on a Larry Devlin auti kokoma pe ba mémoire na ye et histoire onaza ko beta na tangi yango na livre wana alobi boye les 6 wana tangu Bomboko a signé po balongola premier ministre na ye bake ko sangwe komie pa Lumumba binani a signé Bomboko na Delfo OK abengi Mobutu chef d'état major général Lumumba bengi Mobutu abikende ko kangela nga Bomboko Bomboko wana azovanda wapi akovanda na hotel Regina awa na boulevard du 30 juin et sike koma neti ndako moko abandonné la police eza ko occuper ngo mikolo oyo abi wana nde hotel Regina Mobutu kende ko kanga Bomboko Mobutu pa ina basoda na ye akoti wana atiki basoda na se amati ye moko na chambre ya Bomboko alobi voilà mokonja tininga na kangayo Bomboko lobi sikoto sandengeni patu batu baye bake Bomboko na Mobutu bazalaki ba kamarade sikoto salandengeni abino problème ezali awa yo bima kaka kima wana Mobutu mutayebi si Bomboko Bomboko haibi si Bomboko bima okima lobi mena kima na kende wapi alobi kene na ambassade des États-Unis okokuta kuna otu na monsieur Larry Devlin soki omoni oyebi se kengai mona tindio akosunga yo akosalisa yo Bomboko pe azui abimi akei kuna epi Mobutu na sima aena ba soda na ye amati na ilulu aza wapi bafuye na ba chambre azali sosote akeko pesa rapport e pa Lumumba rubino na moni ete azalaki asi akime Donc wana na kangi parenthèse wana ya les 6 na Regina. Et puis Lumumba aiko senga plein pouvoir. Omoni sikwe komi oyo longoli oyo longoli nini. Lumumba ke na parlement ko senga parlement plein pouvoir ba pesa ye bokonzi pouvoir nyonso ya mboka pona a gérer mboka malamu. Surtout que na monsieur de Bosso te yokola ke Lumumba nda zaki na majorité na kata parlement. Exactement, Lumumba nda zaki na majorité, mais pona ko répondre na motuna na omo soso tunaki, est-ce que tango ba révoquer vie de tika laki non décision ka savu bazu décision tango longoli Lumumba na ba kizenga a ekonomé Joseph Iléo o azala ki président ya Sénat a ekonomé premier ministre a komi premier ministre et puis parlement tango Lumumba ke osenga plein pouvoir parlement pe e réagir ba réagir ndenge nini décision ya liboso ya parlement ba annuler ba décision na mi balé ya ba o ba milongo laki abi ka savu bu décision ya kolongola et Lumumba to annuler ango Lumumba décision ko longola mokonzi mboka to annuler ango pe et puis deuxième décision ba ekotia comité de sages le comment était comité de sages ba bengi ango commission compromissoire ba député ba lobi photo sala moi délégation ba sages ba meka ko solola na kasavubu na Lumumba pour na to résoudre problème to ba yokana na banani bazalaki na kati ya commission ango bazalaki ba to misatu Tozali na papa Okito Oyotango Ileo a komi premier ministre Okito azalaki vice président na Sénat yenda komi ko président Sénat parce que Ileo a komi premier ministre Okito tozana Kasongo azalaki président ya Assemblée nationale et puis na Weregemere bangonde misatu basali commission na pona kokenesiko kokutana kasavubu kokutana Lumumba pona komeka ko réconcilier bango initiative yana pe zalaki soutenir na bato ebele balobi non il faut bulinga bayokana boyo kisabiso sonité batumi balé ba africain mi balé o batika kombo leloyo ba encourager qui peut réconciliation na tozali na président ya Ghana Kwame Nkrumah tini message et pas Lumumba pas kasavubu balobi boyokana boyo kisabiso sonité et puis message ami balé ya encouragement ezalaki ya France Fanon c'est un grand intellectuel français, mais d'origine antillaise, à Kouma qui après la nationalité algérienne. Donc voilà l'initiative et salami. Malheureusement, et le quoi n'est abouti, c'était pour Nanini, parce que le témoignage de M. Sezali, l'Américain est opposé. Il est opposé, l'ambassadeur des États-Unis est opposé. Ce qui est opposé, c'est que le Lumumba, il est opposé à l'aide au topé Sakayo pour nous soumettre au Canada. Mais comment est-ce que l'on est opposé? Ba Belgique batindi le même message wana balobi makambu ya koyokana ezalite sikoyo ndenge na lobaki kasavubu anome Ileo premier ministre les six wana tangu le lendemain ya décision wana balancer mandat d'amener contre kasavubu batindi mandat d'amener contre Lumumba abi il faut bakangaye les 11 Lumumba ndenga za kobimaka ko sensibiliser batu na cité baye bakangi Lumumba basoda baye bakangi Lumumba wana papesi rapport que to juillet commandant en chef ya armée donc oza supérieur hiérarchique ya Mobutu to ebiango lisusu général Lundula ayena basoda na ye ayeko libérer Lumumba les 11 wana ayeko libérer Lumumba bakena ye et puis les 11 tango ba libérer Lundula libérer Lumumba les 12 kasavubu à travers gouvernement na yo na ebisa ki o gouvernement Ileo a sali nini aye kolongola Lundula comme commandant en chef d'armée a longoli Lundula de 12 septembre et puis a nommé Mobutu a longola ki pona désobéissance ya exactement lobi ndenge nini ngana lobi o kanga Lumumba bakangie yo ke ko libéré azu a longoli Lundula a nommé siko Mobutu commandant en chef faisant fonction Mobutu azaki chef d'état major général a mati siko yo a komi commandant en chef faisant fonction Lundula batie na pembeni mais tokomona Lundula kuvanda pe na pembeni te parce que akozwa nzela malembe aketi kisangani tango a komi kisangani kuna a ko récupérer ba soda ya ANC nyonso bazalaki na ba ndeko bengango troisième groupement ezaki na ba région militaire troisième groupement c'est là qui tozaki na premier groupement militaire ezaki na Lubumbashi Katanga non qui jezaki na Lubumbashi mais baneko tala Lubumbashi Kasai na une partie à Bandundu deuxième groupement militaire ezaki na Kinshasa et kotala Kinshasa une partie à Bandundu et puis na province Équateur et puis troisième groupement ezaki na province orientale ndezaki à l'époque banaka n'était équivalent à la région militaire Lundula a Kekuna a récupéré commandement ya 3e région militaire Tokozongela Esima. Et puis décision a mi balé ba longoli Lundula batie Mobutu décision mibale balongoli Christophe Muzungu Kasavubu alongoli Christophe Muzungu comme commandant et directeur ya ANR sûreté nationale il y a ANR parce que na expliqué qui bison total qui émission était koleka colonel moko azala qui on a Vandewel azala qui belge tango Lumumba alongoli Vandewel attaque Christophe Muzungu siko Kasavubu alongoli Christophe Muzungu attaque Victor Nendaka responsable ya ANR et puis après tout est comme on a le 13 septembre les 12 ça vous ça il va changement wana le 13 septembre ba député parlement député sénateur ba ekozwa décision ya ko pesa Lumumba le plein pouvoir ouais c'est ngaki bango ya ko sala nini aje akonza mboka sikoni alobi non tomoni Kasavubu a za kulinga koyoka na yote a lingi réconciliation te parce que baza ko gérer na ba mindele Lumumba gérer mboka ba le 13 septembre parlement et pesi Lumumba plein pouvoir le 14 septembre Kasavubu a annulé ba plein pouvoir au parlement et au tukopesa Lumumba et puis na akangi na parlement abina moni pe ba parlementaire ba komi kwa mburu yebso parlement pe ekangami le 14 septembre parlement ekangami mais le même 14 septembre wana na butu na 20h30 batu balandi na radio communiqué ya colonel Mobutu oya komi commandant en chef a zui décision boye alobi ngai na décidé ko neutraliser ba institution politique nyonso a pekisi na président de la république Kasavubu Lumumba Ileo na ba parlement ini basa la activité politique mususu ata mokote na katyamboko abibino nyonso botelemi a peine ba otu kote na bokonzi exactement ba tieki na bokonzi to mona ki ango le 12 le 14 deux jours après Mobutu a zui décision alobi na neutraliser na suspendre ba institution nyonso tango a suspendre ba institution nyonso ayeko sala nini sikoyo ayeko nommer gouvernement oyaye ba bengi ango banda ko benga ango collège des commissaires généraux ezali banani ezali bakeko zo ba jeune universitaire ba ekotia bango kuna et puis nani neti premier ministre président du collège en réalité premier ministre a nommé Justin Marie Bomboko a komi premier ministre donc président du collège de oh ya kimisa ki tango pesa voilà camara ino a kimisa ki ya quelques jours ana a keko récupérer Bomboko a komi président du collège ya ba commissaire donc premier ministre et puis sikoyo ba bilenge misusu tokoya komona bango après bakoya ko sala kombo apparition na bango ya liboso na politique et ko sala mawana tokoyiki kotanga quelques kombo na collège gouvernement na bako ya ba commissaire tozali na Bomboko président donc premier ministre tozali na Mario Cardozo to mona ki est déjà délégué à Lumumba na table ronde économique le molandi ya voilà. Kengo na Sénat deuxième vice président Sénat Mario Cardozo ba nommé na gouvernement na collège des commissaires commissaire général chargé de l'éducation nationale ministre de l'éducation te comme na Marcel Liaou ba ekonomeye commissaire général chargé de la justice donc ministre de la justice et puis ba ekonomé vice ministre ya justice donc commissaire général adjoint à Marcel Liaou étudiant moko ya Lovanium kombo naye Etienne Tshisekedi oyo simako yako ma Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc mbala liboso Tshisekedi a apparaître na gouvernement na gouvernement à commissaire général na 1960 sous présidence ya Bomboko comme président à collège des fondateurs collège des Nabeli collège des fondateurs collège des commissaires généraux et puis qu'est-ce qui va se passer il va se passer que wana Mobutu asali biloko ne wana le 14 a nommé Bomboko na ba commissaire généraux le 15 septembre Lumumba ye makambwana azakotala ngote Lumumba asali descente moko na Kankokolo kuna pona kokende ko sensibiliser ba militaire voilà parlement et pesinga plein pouvoir ngande na za mukonzi ya mboka et bimisi mobulu na kati ya Kankokolo ba soda quelques soda bazala ki wana certainement batu ya Mobutu ba agresser Lumumba ba agresser ye ba casque bleu ya Nations Unies ba ye ko sauver Lumumba ba memie na ndaku na ye et puis à partir ya jour wana Lumumba azali suna droit ko bimate a komi na résidence surveillée. Et natango wana Joseph Kasavu bazalaki azalaki wa. Non, Joseph Kasavu bazaka mokonzi mboka. Mais sikoyo eloko moko eko sala ma bizarre. Normalement, lokola mobutu alobaki na suspendre bango nyonso basala activité te. Décision nana zwa ki le 14. Mutu moko sala lisusu activité moko te le 15 Lumumba ke sala activité. Wakina kina ona kan. Ne batini ba soda kuna ba agresseye et puis aye nanda kuna ye résident surveillé aza protégé première ceinture ya ba casque bleu ghanéen baza ko protégé ye deuxième ceinture ya ba soda congolais ya ANC ba soda Mobutu ba kozela soka mekika akobima ba kwena ye donc voilà Lumumba aza bloqué nanda kuna ye Kasavu busikoyo normalement yepe azala ki sikoyo et suspendu ndenge Mobutu azo ki décision mais bizarrement gouvernement ya Bomboko Oyo Mobutu tchaki en place baké kozwa investiture neti ko prêter serment et pas ya président de la république oyo azali censé que yepe azo sala lisusu eloko mokote donc o monique eloko ngweza la kineti moi ba maquillage boy donc ba bomboko baké pa Kasavubu Kasavubu a validé gouvernement na bango eloko tokoy ko retenir na gouvernement ba commissaire généraux eloko ba sala bangonde parce que batikala ki à partir à mois de septembre gouvernement etikala ki ti na mois de février 61 geste moneno etikala na kati ya histoire ya mboka na biso ya gouvernement na ezali bangonde ba créé ki banque centrale du Congo au banque centrale to anango décision c'est ce gouvernement là qui avait créé la banque centrale donc gouvernement Bomboko sikoyo Lumumba tanga vandi na kati ya résidence surveillée moya bimezate moya sa l'activité ate ayé ko zwa décision asengi na ba au cadre nyonso ba lumumbiste donc ba tu a MNC Lumumba ba tu a PSA ba tu a CEREA hein ba parti lumumbiste wana alobi au nyonso azali na possibilité ya kokende Kisangani Stanleyville bokende Kisangani parce que tomonia wa batoyo bazola lisabiso ba kende Kisangani pona nini parce que mutu azo contrôler makambo kuna côté sécurité ezali général Lundula au tomona ki ke asi ake déjà kuna. Donc, sikoyo le 23 novembre, wana na septembre. Général Lundula wana yende muta sovaki Lumumba tango ba pesa kimi tunde ke baba kangae. Voilà. Ya yeko libere yango ba longole na ebonga na ye, bati Mobutu na place. Bati Mobutu na place na ye, ye sikoyo akende ki Kisangani. Ake kuna a récupérer commandement ya ba militaire to bazala ki kuna. Le 23 novembre 1960, Kasavubu azali reconnu na Nations Unies. Comme le seul pouvoir légal na Congo. Wana lobbying na e sala ki etu etu décision bimi ya Nations Unies balobi mokonzi mboka wana parce que koma ki hein nani aza mokonzi Kasavubu to Lumumba polémique koma ki au monaki bien parlement na biso décidé que c'est Lumumba mais na conseil de sécurité na Nations Unies bazu décision balobi non mokonzi mboka wana ezali Joseph Kasavubu délégué représentant à Lumumba gouvernement Lumumba azalaki kuna Thomas Kanza azalaki obligé à longwa atika ba bureau na ye parce que baza ko reconnaître le sous gouvernement na bangote mais tokomona Thomas Kanza akotika la kuna ko sala pe makamba le 27 novembre wana le 23 novembre 1960 Kasavubu ba reconnaître kuna le 27 novembre Kasavubu azongi na Kinshasa awa autiko gagner siko Lumumba lobi non lokola na conseil de sécurité bo ekomi ko reconnaître Kasavubu soki na vandika ka awa eko sala mabe ngai pe il faut na rejoindre équipe na ngao ekende ki déjà kuna wana équipe ne banai basi bake Antoine Gizenga asia rejoindre Lundula na Kisangani Antoine Gizenga na ba cadre mususu ba Christophe Boigné basi bango nyonso bake Kisangani yangwana na butu ya le 27 novembre 1960 na 22h avant ça Mutu ayeko expliquer plan ke ndenge nini tokobima pona okende kuna okolekela wapi ko expliquer itinéraire ezali Cléophas Kamitato cadre ya PSA ya Gizenga ayeko expliquer Lumumba ba isanga kutu ata mutuka oyo Lumumba kimaki nango ezalaka mutuka ya Kamitato mtapesa kie donc mukolowana na 22h le 27 Lumumba abimi na kati ya voiture na ye abombani na kiti ya sima donc ba police ba militaire baza wana ba monika ke mutuka ezako bima na chauffeur pa manzoka ya zalaki na sima a bombani mutuka ebimi et puis ake ko récupérer mwasi na ye mama Pauline na mwana bazaki na mwana ya moke komo na ye Roland et puis azui ba camarade na ye mususu baninga na ye ya politique balobi bon to sala nzela to kende kisangani baninga na yo bazalaki na ye mokope akoya koyeba na sima azalaki directeur de cabinet na ye na ministère de la défense parce que to bosanate Lumumba azalaki premier ministre pe ministre ya défense directeur de cabinet na ye après akoya koyeba na kombo na ezalaka Bernardin Diaka to koya koyeba mingi na kombo ya Mungulu Diaka donc Mungulu Diaka na Kasna Lumumba na Pierre Mulele ba mati na kati ya mutuka babandi kokende nzela ya bandundu makelele tamboli pona ko kotsa ba kokosa ba service ya sécurité ke toki Lumumba kimi akati Brazzaville nzoka bango bazokende nzela ya bandundu bakei donc wana bazokende sikoyo na lobi le 27 na Butuana le 28 na ba après-midi ba komi na Kenge et puis ba koti masimanimba le 29 novembre bakomi na Bulungu et puis na Bulungu wana population est reconnaître Lumumba et le connaître Lumumba et sali lo yenge na kati ya Bulungu Lumumba zaki obligé à sala mo meeting à sola na population mundele moko azala ki wana banda sala na plantation wana à reconnaître Lumumba nde mundele wana kwa kotinda message foni na Kinshasa alobi mutu bozoluka kuna ke azali na Brazzaville aki na Brazzaville azali wana moni na Bulungu azokende nzela ya Kisangani nde ba soda sikoyo babandi kolanda Lumumba na nzela ya bandundu le 30 novembre a komi na Mangai Mapangu et puis Ilebo. Le 1er décembre, bakomi na Mweka, na Mweka na pe asali meeting na population. Après-midi, a longwe rapidement na Mweka parce que ba yebise ke ba soda Ilebo Port Franqui bazoya po bakanga yo. Wana le 1er décembre. Bakeiti bakomi na Mboka Moko babengi yango Lodi. Lodi ezali na rivière Sankuru, ezana rive gauche, bakomi na 23h na Lodi. Tang ba komi na 23h babaki na ebite soko sala mingi na ba interieur kuna bazama systeme okati ebale za laka babaki sikona 23h na baki ese katisi eke kolala kuna na ngambo Lumumba sikwa lobito ko sala ndenge nini basoluye na bazuide wala bino biso tokacha na bwatu toke ndeko negosier na bato ya baki po bazonga bazo wa bamituka po mituke omata na pirogite banani ba matina kati ya pirogwana Lumumba Pierre Mulele na papa moko ba bengi Lubuma ba katisi na 23h wana ba komi na ngambo kuna ba expliquer siko ba responsable ba ba sala kabaki ba lobi non tala tuzana ba tunabiso ba bazana ngambo kuna il faut bo katisa pona ko nzo bango na ba mituka etu etu et ba discuter na ba tone zu bango matin na 1h du matin na 1h du matin ba soda donc 1h du matin to komi siko yo le 2 décembre 1h du matin ba soda ou ba utaki Port Franqui ya NC ba soda Mobutu ba komi wana bakangi bango nyonso siko polémique ezalaka est-ce que bakangaki bango na rive gauche ou bien balandaki bango na rive droite est-ce que Lumumba zungelaka mwasi na ena mwana c'est ça parce que rumeur le temps que non Lumumba kufa liwe buzoba c'est ça pona mwana mwasi te non c'est pas ça. C'est pas ça na kanisi ba yeba kiteke ba soda ba sia komi na ngambo bango bazongi na bac oeza interpretation nga bazongi na bac pona kozwa bango ba ikukuta ba soda na 1h du matin ba soda deja bazaki ona basi bakangi ba tinyonso ba, la preuve ane ke mutu oyo atikala kikuna na ngambo azonga kili soute na bac parce que ce n'était pas la peine azonga eza Pierre Mulele atikala ngambo bakanga kite ya continuer ngi na Kisangani et puis Lumumba bakangi wana ba ikozonga na ye na bakomine na Mweka tangu bakomine na Mweka wana na mutu moko to sito monye deja spécialiste ya ba opération spéciale kombo na ye mutu ANR inspecteur ya ANR un ancien militaire Gilbert Pongo to mona kike papa na Pongolo Gilbert Pongo auti Kinshasa aye na Mweka wana kozwa Lumumba na ba batu na ye akangi bango wana zelo kola domaine na ye na tango wana ezaki domaine na ye parce que enda sosa na ANR donc ba et puis ezaki mutu a confiance ya Mobutu na nenda donc ba ebise ke non basi bakangi kuna boye Gilbert kende ko récupérer bango asala ki pe ba contre espionnage atanga ki ngona na Belgique Gilbert Pongo aye et azui Lumumba na batu na ye azongi na bango na Kinshasa bakomi na Kinshasa na ba transférer bango na Tisville na Mbanzangungu esika wapi kan wana mutu azali ko mukondi ya kan wana ezali oyo akomaki General Bobozo mutu azali wana donc bakangi Lumumba na batu na ye na Tisville me na Tisville wana aye kokuta na ba Lumumbiste mususu deja bazalaki wana Aokuta wana okito wana ebisaki yo président akoma yi président ya Sénat na Mpolo Maurice Mpolo yeba kangaki azaki na nzela bandundu webi kaka ndenge na baki Lumumba baki batu nyonso bakokende kisangani bakende yeba ndako lukanzela ndenge na kende kisangani bakangaka na mushi et puis na parti ya mushi bakene na Tisville wana prison donc Lumumba retrouvé Mpolo na okito wana na Tisville sikoyo okolimbe zibamo ke honorable na kanisi bandeko bazale kulanda biso penza baso sroma muke eloko bandaki ko reprocher na Lumumba ezalaki penza nini. Non, Lumumba en réalité bande ko reprocher ye par exemple na pesa ba américain ba américain bazalaki convaincu que Lumumba za communiste même si après ba yiki ko découvrir que Lumumba n'était pas communiste parce que azalaki pe na ba contact na Moscou azo menacer pe ceux qui bossali si bisoté na ko hein na ko komana Moscou ba sunga biso ba yede biso Khrouchtcheva ko yiko yede biso donc ba américain baza ko banga que azali communiste akoya ko mema ba russe ba communiste ba koma Congo ko ma pays communiste voilà reproche ya ba américain ba belge en réalité tant ba pe si biso indépendance idée na bango ezalaki nini to pesi indépendance biso to longwe to kotia na pouvoir bato yo biso to lingi to jeraka bango a partir donc en réalité to so continue ko konzamboka mais à travers ba congolais système wana ba bengi yango néocolonialisme colonialisme ezali ba mindele bango bazale bazo konza néocolonialisme ba mindele ba kei ba tiki ba tuna bango ba konza kabiso voilà comment Lumumba est devenu bango ba considérer kazali têtu azako yoka makambu biso zako yebisa ite voilà malentendu avec les belges nandenge balobi amankaka roi na bango respect mukolo ya le 30 juin église catholique na yako peso na pesa ka raison mukolo wana entre autres église catholique oyebi kanda olinga ba communiste te parce que bandeko ba communiste baza ba ate ba ndi makanzambe te nzamba azali te pona ba communiste ya mibale et gouvernement Lumumba et bimisaki idée ya ko nationaliser l'ovanium to monaki yango ezalaki église ya église ezalaki université ya ba catholique Pierre Moulele ayebi Lumumba il faut to nationaliser ngwe koma ya l'état ba catholique pe ba sepela ina eloko wana te et puis ba adversaire msoto ebi ba Tshombe voulait faire sa sécession Lumumba était contre et Kalondja sali sécession na Lumumba était contre donc wana ba facteur na nyonso esali ke Lumumba a commis élément gênant parce que Lumumba c'est à mon avis wana point de vue na ngai c'est le plus grand nationaliste oyo le plus grand nationaliste pas seulement nationaliste le plus grand politicien que les Congolais aient eu peut-être komona na kobaksa bebilo ko mususu na sima. Alors ndeko Gilbert Pongo ayena Lumumba awa na bande ko mususu na kisasa et puis na banzangongo suite à l'événement ezalaki sikoni tango siko bavani na Tisville wana tokosala nini sikoyo kasavu balobino il faut to solo la toza bandeko il faut to sala réconciliation li solo il faut to solo la entre est-ce que réconciliation na lingaki simba pamba tena simana ba belge na ba américain ba oui mais malgré ça il croit toujours que soki to solo li tokoy koyokana a proposé table ronde moko kasavu habito sa la table ronde mais sikoyo entre et komi bakan mibale kaya liboso batu ya Kinshasa ya mibale batu ya Bakwanga o Kalonjina secession na ye et puis misato Tshombe na secession na Katanga et puis elle ya mine ekobotama ba lumumbiste o bakomi sikoyo na Kisangani Antoine Gizenga entre autres le 13 décembre tango bakangi Lumumba watu moni yango le 2 décembre le 13 décembre Antoine Gizenga asali déclaration na Kisangani alobi gouvernement nangai c'est le seul gouvernement légal ya Congo donc au gouvernement nga nazo diriger o bazakuna ya bakasavubu ba bomboko wana za ba fantu ngai nde naza vrai mukonzi mboka parce que premier ministre na biso aza ya kokangama donc sikoyo proposition ya Kasavubu ya table ronde banani baye koboya yango Kalonji akoma kimulopwe Kalonji alobi non pona ngai jamais na koyana table ronde oyo Lumumba za na mesa wana ngana kufana na mena Lumumba mesa makote Tshombe pe reagir Tshombe alobi non ngai na okuta na Lumumba mais Lumumba soki ngana okuta na naye il faut ala devant tribunal tozo sambisa ye comme accusé makamba ko solani sima makamba politique ezate donc so bolobi aya comme interlocuteur ngana koyate donc makambu ya table ronde ya Kasavubu et foiré wana et puis sikoyo makamunini ekoya ko précipiter liwa ya Lumumba ba événement nini événement liboso ndenge na lobby Antoine Gizenga a lobby c'est le gouvernement légal mais puisque baza gouvernement légal bazui décision gouvernement Gizenga na siko commandant na bango ya armée na bango ANC ya Kisangani où ils a dirigé na général Lundula bazui décision le 25 décembre 1960 baké ba attaquer Bukavu ba koti bazui ndenge to baka Bukavu ekoyi ba récupérer Bukavu gouverneur de province ba kangiye na ba ministre provincial o bazala ki wana ba ko reconnaître Kinshasa ba kangi bango nyonso ba tindi Anise Kashamura a komi wana autorité o yaza ko représenter pour gouvernement ya Kisangani na Bukavu donc wana sikoyo Bukavu ekoyi et pesi mwa panique na Kinshasa. Deuxième élément baye ko sala baye lisusu ko kende ko attaquer na Nord Katanga Lundula bi bon bato balinga ba Alexandre ba bi armée ngana Alexandre ona bi armée donc Lundula ki a récupéré Bukavu et puis a kena Nord Katanga a ke ko libérer ville ya Manono o ezalaki chombe ezalaki sécession na ye isiko ko tina kati ya sécession a libérer Manono a te gouvernement moko wana anti chombe donc contre la sécession o bato baza ko linga makambu Congo e kabonate a te bango na Manono Kinshasa bayoki lisusu ide balobi Lundula a Gizenga Antoine Gizenga na Lundula bazana ide sikoyo bazwa ko kilativile donc mbandaka donc wana nyonso epesi bobangi awa na kati ya Kinshasa siko tango Bukavu ekoyi le 25 décembre Mobutu alobi bon Lundula lingala isangani ngai pe naza soda Mobutu pe a réagir a sali opération commando azui ba commando na ye atindi bango Atini bango wapi? Atini bango na Burundi, na Bujumbura. Bujumbura, à l'époque, tant qu'on a tozolo ba na 1960, ba Belge nan ba pesi indépendance na Burundi te. Hein, Rwanda, Burundi. Donc ba Belge bazana nukuna. Complicité ba Belge ba permettre Mobutu, atinda ba soda na epo, ba le kanzela ya Bujumbura. Bujumbura, Tchangungu. Tchangungu eza kaka en face ya Bukavu. Donc à partir ya Tchangungu, ba komando ya Mobutu, ba koti na Bukavu. Ba koti na Mukavu, bo, malheureusement pour Nabango, ba neutraliser ba commando ango na chef Nabango. Chef ya commando na nani Gilbert Pongo. Pongo bakangi na Bukavu na ba commando ne ayaki pour libérer Bukavu bazui bango batindi bango na Kisangani. Comment pour l'opération ya Gilbert Pongo simbakite. Et simbakite. Baké na bango kuna et puis tango bakomi na bango na Kisangani. Gouvernement Antoine Gizenga na Lundula na ba donc ba lumumbiste. Batindi message na Kinshasa. Balobi tokangi Gilbert Mpongo azali wana ba soda botindaki baya ko libérer Bukavu tozana bango na Kisangani. Alors voilà ce que biso to proposer bino. To sa l'échange. Botinde la biso Lumumba na balumumbiste mususu bozana bango biso tozozong c'est la bino Gilbert Mpongo na ba soda naye. Kinshasa eboyi eloko wana les Lumumbistes donc bato ya Antoine Gizenga na Kisangani bazui décision ya kobuma Gilbert Mpongo na bato na nyonso. Voilà comment Gilbert Mpongo akufaki na Kisangani parce que Kinshasa eboyaki ko échanger ye na Lumumba. Événement ya mibale wana activité ya bato ya Kisangani. Élément ya mibale oyé ko bangisa pe ko tinda Kinshasa a accélérer makambo ya Lumumba c'est que du 17 au 14 janvier 1961 17 au 14 janvier basoda babandi lisuko tomboka na Kinshasa pona likamboni touro makamba tomboki pona solde balobi mbongo na bango ezoko ma atante bazozo bazofuta mate bagrade na bango ba prometa ki bango bagrade ya malongo ezomo na te et puis makamu lisu ba inégalité za na kati ya armée donc basoda bazui batomboki ba politiciens ba nako benga un groupe ya mbinza tokomona bango après le groupe de mbinza balobi ah soki to vani na Lumumba mingi awa na lokola besprit ya basode bende ko chauffer boye makambo yo ekoki ko balukela biso ya element ya mine Nations Unies de plus en plus e komi ko tia pression e pa ka savubu na bato na ye pona ko libérer Lumumba abi fo ko libérer makambo kangende wana ezalite element ya mine bon oyo Oyebi na États-Unis ba élection sala makana mois novembre. Na mois novembre 1960. Ba élection sala mina États-Unis, président oyazala ki wana président républicain comme na Eisenhower. Eisenhower azobima ma komi fin mandat, jeune président démocrate Moko Boye a gagné ba élection. kombo na ye John Kennedy. Mais si quoi est système américain? Ceux qui ont gagné l'élection en novembre, batu alanda ki yango na Obama. Ont gagné l'élection en novembre, prise à fonction. Pour comment mokondi ya solo solo prestation serment et ya kakosalama le 20 janvier ya mbulu elandi. Donc a gagné l'élection na mois novembre 1960. À Kokota en fonction le 20 janvier 1961. Soit deux mois après. À peu près. Deux mois après. Mais si Koyo, tu es comme on a retrouvé Thomas Kanza. Thomas Kanza a été ambassadeur à Lumumba dans les Nations Unies. Si Koyo tant que Balongo le gouvernement a bien exalté, Thomas Kanza a vendu à Washington a bandi ko sala lobbying. Na ba relation a été nango a ke Kokota na Kennedy. Oyo a outi ko gagner l'élection. A ke ko plaider dossier à Lumumba. Alors bien voilà, mon conseiller Nabiso, premier ministre, parce que c'est là communiste, zani communiste et ça va tout ba néocolonialiste, ba impérialiste, ne ba lingi tous à la liberté, tout a plaidé dossier à Lumumba, n'engue ba kangiye et pas à John Kennedy. Kennedy a yebisi eboué. Ce qui après prestation n'anga un serment, n'a côté la dossier à Lumumba, n'a côté la nyon soba libéré. Donc Kinshasa a dit que beaucoup de choses changent aux États-Unis. Kennedy, ce qu'a eu pouvoir le 20 janvier, a coquille qu'au changer Makambu. Donc Balobi, Oyo, Tokoye, Kozelande, Ngonate, il faut tout accélérer Makambu. Yango wana le 14 janvier 1961. Réunion Moke Salami, ça c'est le témoignage d'un auteur belge, hein, n'a pas sa référence. Et ça a été que Thomas Loa comme Taloba qui en a tangi kotanga na ba livre. Comment on a Brassine? Brassine a lobby, il y a une réunion le 14 janvier 1961, où il y a une décision de Lumumba na Katanga. Papa, bon, maïe, bon, naïe bite ndeko, naïe bien intention à batoute. Est-ce que Batinda qui est pour se débarrasser naïe comme prisonnier? Est-ce que Baye Baki qui est soka qui est kuna akokufa, bisona yo, to ebite nzambe kaka mutayebi? Banani wazali ki nakati ya réunion wana, il y a le 14 janvier 1961. Kasavubu, mutande ko président réunion, bombo ko azalaki nakati, Nendaka, Adula, Ileo, Ndele, na Mobutu. Voilà groupe yabatu, oyo bazwaki décision yako transféré na lobite ko Boma Lumumba. Parce que naibi bandeko nanga mingi ba kongole ba batoma luaka lobaki ya groupe yabatu ba Boma Lumumba. Non, bazwaki décision yako transféré. Balongole na kisasa batine na Katanga. Nde groupe yabatu wana. Et puis après et permettre nga pena sana fungula mwa parenthèse moko boye na yo kaka batu mingi balobaka justement ke papa na biso Etienne Tshisekedi de mulu bazaya ki na kati ya makambo yaliwa ya ya Lumumba. Non non, vraiment na ba oyo ba information nyonso na sana ngo ba enquête nga na meme kotango na tangi Tshisekedi Etienne Tshisekedi na rien à voir ni de près ni de loin na liwa ya Lumumba. O bangi pression il est testé, non non non non, ndeko il faut que le baka vérité. Il est vrai azalaki membre ya ya collège des commissaires généraux, mais azalaki na poids politique à l'époque. Azalaki na poids politique, azalaki vice-ministre de justice adjoint à Liao, azalaki non na comme na poids politique té o eko permettre ye à participer na ba réunion stratégique. Donc Tshisekedi n'a rien à voir na liwa ya Lumumba. Donc voilà ce qu'il y a après, qu'est-ce qui va se passer? Nendaka après Renouana, Nendaka va prendre des dispositions. Réunion Salami le 14, le 17 janvier 1961, Nendaka accueilli na Tisville, donc en Banzangungu, Kobimisa Lumumba na prison, Kozwa Lumumba na Polo na Maurice. Aye na bango bazimu mituka ba matina mituka ti bake na lukala aéroport moko ezala kiona na lukala avion moko ezozela bango Lumumba atuni Nendaka ozo memangai wapi Nendaka ebise na zo memao na Kisangani Stanleyville akosi yo linga kosolana population te. Population ezozela okuna okene kosolana bango Lumumba ebise Nendaka na ebike bozoti nanga na liwa. Mais liwa pona ngai je m'en fous nazo ko fela Congo mais boye baka Congo oyo un jour ba congolais ba kolamuka ba ko libérer mboka oyo pe ba ko tonga mboka oyo donc liwa nangai ça n'a aucune importance Lumumba matina kati ya avion na lokala wana avion na ba décoller ti bake ba komi na mwanda bakiti na avion na ba ikokuta avion mususu un DC-4 hein, avion ya mwa monene oyo sala ba trajet milai et puis wana bake kokuta na nani batu bazala ki bayaki na avion na kouta na ngu Kinshasa ti mwanda bakuti deux commissaires généraux hein ba membre ya gouvernement Bomboko bazala ki deja wana bazali kozela ya liboso kombo na ye Jonas Mukamba ya mibarde kombo na ye Ferdinand Kazadi bangunde sikoyo bakomata na avion na trois prisonniers wana Lumumba Mpolo na Okito ba mati na avion ba accompagnateur Jonas Mukamba na Kazadi na lieutenant Mokazalaki na lieutenant Zuzu na trois militaires des groupes wana mati na équipage ba mati na kati avion ba décoller le 17 wana ba décoller na mwanda direction Katanga ba leki d'ailleurs na Angela Angola pona ko éviter kozwa raccourci hein pona kata a partir ya mwanda pona ko ndeka Lubumbashi raccourci ezali bokata likolo ya Angola bake kunati tango bazana likolo pembeni na Katanga batini message na Katanga ke tozoko maana na bakoli Godefroy Munongo tango wana Katanga ezana secession Munongo ministre intérieur ake kolanda président de la République Tshombe Tshombe azalaka na salle moko ya cinéma azolanda film moko boye akoti na kati ya cinéma ayekwepisa monsieur le président tozwi message moko ya Kinshasa abi message nini Kinshasa et Leopoldville hein? Kinshasa lobby batindeli biso trois colis nini wana abi non na kati ya avion moko lingi kitasikoyo Lumumba zakuna Lumumba Mpolo na Okito réaction ya Tshombe Tshombe lobby Godefroy je ne veux rien savoir de cette histoire parce que déjà idée ali bosse zala ki ba kende na Kasai et pas Mulopwe Mulopwe il paraît tanga yo ki a sentir ah oeza piège Mulopwe boya lobi boya na bangwa wate sikoyo yango ba changer destination ba ke Katanga na Katanga kuna sikoyo Tshombe réactionné ali bosso a ibisi munongo na yiko eba makambo na te et puis après a eko changer avis ba ke na aéroport ba komi wana avion kiti amoni Lumumba bimi azalaki vraiment basi ba beti ba bandako beti na kati avion ya azalaki vraiment très très mauvais état na ba prisonnier na mususu bazu ba bimi si bango batie bango na mituka a partir aéroport na ba bimi bango na 20 km ya aéroport ni ya distance aéroport ba komi kuna nde décision ya koya koboma bango ekozwama Lumumba na batu na ye bazalaki exécuter na deux officiers belges ba officier belge ango nazana ba kombo na bangwawa kombo ya liboso azali colonel Hug yami balé capitaine Gat ce sont les deux au bazwaki ba achevé Lumumba na Okito na mutuana mususu et puis na butu wana de 17 na butu ba kundi bango na village moko boye et puis lobby nango Godefroy Munongo lobby non tant population ko yeba parce que Lumumba est resté quand même très très populaire malgré ses sessions à Tshombe population za kina kati ya secession te ba yi population soko yebi ba ko yawa e ko manel te liemo ka martyr nde ba zui décision ya ko kende ko kundo la bibembe ya Lumumba na baninga na yemi balé puis ko kende ko dissoudre ango na kati ya acide ba tonne ya acide pona batika trasté voilà comment le 17 janvier 1961 Emery Patrice Emery Lumumba akofaki bande ko batali balinga masolo ya je connais le Congo na kanisi bolandi penza na bokebi mwana mboka Thomas Loaka mateya ya kitoko penza auti ko pesa biso lisitoile ya mboka na biso Congo démocratique bongo no rabe ndenge totala kana ba film tango ba ko boma kondo Emery Patrice Lumumba balakisa ka mabutu a treme ya ko taleza eza makamba solo non tango ba bomaki Lumumba kufila katanga mabutu za ina katanga te o image to mona kana bazo kangayende tangu na lobi bauti kokangaye na mweka bazuye kuna na mweka baene na Kinshasa sikopo ba transféré ye na mbanza ngungu nde seno to monaka bazo kangé basinga ba kotie na camion na ba camarade na ye wana nde mobutu seno to monaka wana mais au moment mukolo Lumumba akufa kiboye et salama ki na katanga mobutu azalaka te réaction ya ba autorité awa na Kinshasa ezalaka nini tangu ba apprendre liwa ya Lumumba non sango eba na kite parce que wana le 17 wana sangwane e bombani sango e bombani et puis na ebandeli ya mois ya février 61 ne Godefroy Munongo ayeko sala communiquer asali communiquer lobi non voilà Lumumba akimi na prison akimi na prison na bakamarani na ye population sikoyo ekangi bango population emasacre bango bato nyonso bayebiki ezalaki lokuta bango nde ezalaki babomaki Lumumba nde bareaction eye kosalama na mokili mobimba donc incroyable na ko ekotanga ba manifestation déjà na ville ya Caire na Égypte na Jakarta na Indonésie ambassade ya Belgique ba sakajang ba égyptien oyo ba koti na ambassade ya Belgique ba panza ambassade ya Belgique na Caire na Indonésie pe ba indonésien wana ba panza ambassade ya Belgique donc ba manifestation ce que ba niko sala ma contre Belgique na mokili mobimba contre Belgique contre les Américains contre les Nations Unies ba lobi bino de bobomisi ye ba manifestation sala mi wapi na tanga quelques villes pour mon importance ya mutwana to uchi kobungisa na Copenhague na Varsovie na Pologne na Prague na Tokyo na Japon ba manifestation za laki na Dakar na Senegal na Johannesburg na Téhéran na Iran na Athènes Montréal Singapour La Havane Lima Caracas Los Angeles Bonn na Tel Aviv tina Israël ba manifestation salami pona ko dénoncer ndenge assassinat ya Patrice Emery Lumumba et au permettre nga pe na fongola parenthèse msusu tangu tozalaki na Sun City na ba négociation na biso yo ya politique mukolomoko président Afrique du Sud ayambi biso tabombeki tozalaki d'ailleurs ko tourna papa Etienne Tshisekedi azalaka na kati ya délégation wana toke na ezalaki na cap toko solana ye ayebisi biso eloko moko alobitala ngai nazali lumumbiste depuis bomwana depuis nazaki jeune nga nazali lumumbiste yango na jamais na kolinga mboka ya Patrice Emery Lumumba eka bwana soki nga nazana pouvoir abio moni lino nga azalaka alini na emoko awe bukana abibo ebi lino yo nazalaki étudiant na Londres na 61 toyoki babomi Lumumba to sala manifestation munene na Londres siko ba policier anglais wana tango bazwa ko panza manifestation nde polisi moko mundela beta kata bombeki matraque e buka kaeli no wana alobi ya souvenir ya liwa Lumumba lino ngope na kubongisa ngote donc tile loyo tabombeki atika li unaende kwa na bongisa ngote po era pela ke liwa Lumumba na 61 donc voilà le Congo vient vraiment de perdre un très très grand leader Lumumba c'est l'homme qui a fait prendre conscience aux Congolais qui bossi bo comme nation bossi bo comme loko moko makambo wa kabwana ezalite d'ailleurs il avait tellement confiance na croyance na yewana ke Congo c'est comme une nation ezali sous makamba bikolo bikolo te ki basangisa sangisa hein neti liputa kizoba zoba et c'est comme loko moko il a pris le risque en 1960 ce qui était rare a ke ko se présenter candidat député na province o yayete yaza mutasankuru na kombo na yewana alinga ko kimo mona ba député mingite ba candidat mutrom to kimina ekolo na ye en réalité parfois on a ce qu'on appelle des députés c'est des délégués tribaux mais Lumumba ye a ke ko zo risque na Kisangani alobi c'est des congolais ils ne réfléchissent plus makambo ya tribu na ebi ke ba ko sala nga confiance ba ko votenga et il a été élu député na Kisangani province na yete ekolo na yete donc c'était vraiment un grand homme une grande vision et du Congo et de l'Afrique et puis nationaliste donc souci pendant ya mboka soki Lumumba a bundisa ka sécession ya Katanga te na vigueur ya tiaki peut-être mboka onde le lotu sana Congo te ndeza ya kopanzana et puis courage et loko ya mboka ezanga kapi biso ba congolais la courage politique azalaki nango quel est le congolais aujourd'hui le loi komeka ko soana na secrétaire général la Nations Unies Lumumba a soana na dagar major de pona Congo oyo à l'obéla et la vérité boy en face. Donc voilà courage, patriotisme, c'est le modèle qu'il faut na ba détail pour expliquer ko te yabana na biso na kati ba classe ce que Lumumba a fait pour ce pays. Il y a deux volontés politiques qui ont créé cet état. La première volonté, c'est le roi des Belges, yemuto a izwa idée ya ko créer mboka oyo. To linga ete mais c'est yé. C'est Léopold II. Naba abu na ye ko kata batuma boko mais volonté ya ko créer mboka munene en Afrique centrale, c'est Léopold II. La deuxième volonté, c'est Patrice Emery Lumumba qui a cru que ko nyokolo ba Belge ba nyokola kibiso et sale ke tokomi moto moko, le loso ke tozolo ba biso nso toza ba congolais, toza fiera ya être congolais, on les doit en partie na l'obité en totalité, en partie à cet homme Patrice Emery Lumumba. Voilà, tous les coups bakati na maso na biso ezali masolo ya je connais le Congo bande ko batali honorable au lobeli penza na muzindo makama matali mwana mboka Emery Patrice Lumumba bongo sima ya liwana e tango babomi nini le kaki na kati ya mboka et moni tango avant ko to baboma ye to lobaki ya Kasavubu president Kasavubu azagi deja na idée ya ko sala réunion ko réconciliation table ronde table ronde wana tango Lumumba akufi, table ronde ya liboso eko sala mabenga on table ronde de Leopoldville ya Kinshasa awa, eko sala ma du 25 janvier au 16 février. Mais table ronde wana batu ya Kisangani bayete, parce que moni date 25 janvier, naebi seke le 25 janvier batu nan baebiteke Lumumba akufi. Kisangani pi baebiteke Lumumba akufi, bangwa lobi table ronde wana biso toko yate, il faut bo libere Lumumba, alors que le 17 déjà, azala ki asia akufi. Donc bangwa baebakite bazo sa la condition, toko yaka kasoki bo libere Lumumba. Katanga pe ba katange ba yete, chombe a yete, parce que chombe a zako exige table ronde wana, il faut salama na katanga. Donc voilà, table ronde à Leopoldville et Leki, tozu penda solution à malongate. Et puis, la seule conclusion, quand il y a réunion à table ronde à Leopoldville, décision Zouami, il y a Kassavubu, a eu décret constitutionnel, il y a eu Télémissa gouvernement Bomboko, il y a eu commissaire général, le 9 février 1961, gouvernement, il y a eu Bomboko et Kouéi, Bazongi si gouvernement provisoire il y a Iléo où il y a nomma qui on a serait que des jours trois jours Iléo Azongi premier ministre na gouvernement na e provisoire et puis deuxième table ronde et ko sala masiko na Madagascar babenga kango table ronde de Tananarive ezalaki du 8 mars au 12 mars 1961 mais kunape batu ya katanga baye chombe ya ki na Tananarive pona ko solola mais batu ya Kisangani bayaki te parce que wana siko basi bayebike Lumumba akufi. Table ronde ya misato e ko sala mabengi yango table ronde de Coquilletville ya Mbandaka babengi si su table ronde mususu kuna boya tukutana et puis wana sikoyo ya Stanleyville batu ya Kisangani ba Antoine Gizenga wana bango basi basali ya bango République libre du Congo. Ils ont été reconnus, ils ont reconnu, Bambo Kebele reconnaître. Non, c'est là que comme président Antoine Gizenga ou pas? Antoine Gizenga. Antoine Gizenga est mon Djamboka. Donc, chef de l'État, chef à gouvernement, Wana na Kisangani, Azako Konza, République libre ya Congo. Baboy Koya na rencontre Wana Yambandaka, Chombe aye na Mbandaka, et assez rapidement d'ailleurs, Chombe aye décision le Bosso, le Biyo Kasavubu, Ndengeni noke ko signé ba accord. Na Nations Unies parce que Kasavubu entre temps après réunion à Tananarive a signé qui accord na Nations Unies où Azako Senga na ban casque bleu ba benganila ba mindele nyonso ba militaire ya ba mindele nyonso bazana Congo ezra ba belge ezra ba mercenaire comme ming bazaki na katanga chombe a se sentir visé na table ronde na tang ba koti kaka bo alobi Kasavubu il faut ozonge la décision na yona il faut annuler ba accord na yona na Nations Unies Kasavubu boy chomba lobi ba soki nde ngwana na kuvanda pete ngana kei atelemi po ke aéroport Mbandaka azo avion parce que ba koi na ibakangi chombe bakangi chombe ti ba ene na Kinshasa chombe avani na Kinshasa wa bah il faut déclarer que c'est session ici li chombe pas sa li déclaration alobi voilà na sengi na bana katanga nyonso c'est session ici li tuzungi na kati ya Congo quelques jours après alobi bon ce que le connaissance na cette déclaration hein boti ka kamina na kende katanga ko bungisa biloko a mike mike pe ko expliquer ba camarade batiki chombe ke tanga komika na Lubumbashi alobi c'est session continue donc à reprendre ces sessions na et puis table ronde mususu omoni wana tokomi na table ronde ya Coquilletville nde après baye ko sala sikoyo conclave ya Lovanium et salami na date ya le 22 juillet au 2 août 1961 nde eloko wana e ko salama conclusion ya munene ni na kati ya table ronde wana non eloko ya liboso ba bengi Gizenga balobi ndenge makambo ezoke nde boye balumumbiste fo baya tendance ezali ke tope sa balumumbiste primature parce que Lumumba kufaki bamone remplacé Gizenga boiko ya. C'est-à-dire que ba Congolais tango wana ata ko nde ko Gizenga a commissaire qui côté ya ya est lokola ya République na wana lokola République na ba ndiko bazai ka na posa mboko za. Sisi songa ka moko. Kasabu bazai vraiment na société na réconciliation. Ba tsali nyonso Gizenga boiko ya ba tindele ka mitatu lobi kende ko expliquer peut-être lokola ba ba ndeko na cadre mpangi plus mpangi a ko comprendre. Ka mitatu a komi na Kisangani expliquer Gizenga mbuta yaka uzozo makambo. Gizenga boy. Bon, kamita ta zongi. Conclave à l'Ovanium mais le bibon. Tokope sango, pa groupe de mbinza, te groupe à Mamboui, tu anate. Tokope sa pe, Gizenga boy kouya, il faut te lokamito moka société civile. Société civile, ba keko ponanani, Cyril Adula. Cyril Adula a commis premier ministre, ya République. Et puis gouvernement naye, malgré absence à Gizenga, Gizenga ba nommeye vice-premier ministre. Poste nazaki na gouvernement Lumumba. Ba pesi yango, ba Christophe Bouenye, ba zongi. D'ailleurs, na conclave à l'Ovanium, moulele ayaka. Moulele Ayaka et puis après accueilli. Donc voilà gouvernement Adula et Bimi. Babandi ko reconnaître ango partout. Batoupe ya Bakwanga. ba kalonji ba tinda ki ba délégué kalonji pa tindi ba tuna epe ba koti na kati ya gouvernement donc sécession ya ya kasai esili ba tu akisangani ba koti ba mpena kati ya gouvernement gizenga vandi kuna ayoki siko ba république ba ndeko soutenir parce que za kapena soutien ba Égypte ba URSS e ba ndeko soutenir gizenga ayoki ba mboka ngonyo se komiko reconnaître le gouvernement Adula ti le 31 août 1961 URSS et qu'on reconnaît le gouvernement Adula, Gizenga comprendre que Makambo est sili. Le 3 septembre, Gizenga a eu l'avion à Zongi, à Komina Kinshasa. Alors, bon, il y a un poste d'Angona, il y a vice-premier ministre. A comme vice-premier ministre, Lobi Nango, le 4 septembre, a accompagné Adula, la photo de Koutezali, à Belgrade, na conférence à pays non aligné, ou na photo de Nango, au moins, Adula, Gizenga, na Bomboko, na Belgrade, donc, Bakéi, pendant la réconciliation salami. Si tangu ba wuti kuna na mwa septembre, ba zongi na Kinshasa, na mwa octobre, Gizenga azongi na Kisangani. Akomi na Kisangani kuna, pu, Gizenga a reprendre makambo nayi. Alobi non, ngai gouvernement Kinshasa na zo reconnaître ngote, nga na zamo kondia République libre du Congo, donc sécession est continue. Et puis, azalaka na gouverneur na yemo kwa nomaka, tangu azalaki mo kondia République libre du Congo, kombo na ye, gouverneur ya province orientale, kombo na ye zalaki Manzikala. Si quand on a une réconciliation, ça l'a mis au gouvernement Adula. Adula a été confirmé au Manzikala comme gouverneur de la province orientale. Si quand on a Papa Gizenga a zongi na Kisangani na mois octobre 61 pour na reconduire la République na ye, donc sécession na ye a longue gouvernement Gizenga alors que Bagbonye Bangonyo so bazalia wana kati ya gouvernement Adula. Ye si quand on a zongi kuna na mois ya janvier 1962 Manzikala a kangi Gizenga et na sepela kamingi na acte wana ya arrestation hein acte d'accusation lobi rébellion caractérisée à l'autorité établie donc Manzikala akangi Gizenga na Kisangani atindi wana Kinshasa ba député parlement oyo parce que entre temps après conclave à l'Ovanium parlement fungwami kasabu azongi si parlement ba député ba pesi accord ba lobi Gizenga exagéré bisozo to sali réconciliation ya linga zungu sabiso na sima na ba député nso ba pesi accord Gizenga kangami Gizenga na 1962 batindi na prison na île moko ya Bulabemba kuna na Bakongo yango Gizenga ko vana na prison wana ti na 1964 ndé chombe tokoya ko mona ngo après akoya ko libérer ndé Gizenga tanga oti prison akoya ko créer Palu atikisiko pesa ndé ko créer Palu na 1964 voilà un peu ma solo tout ça qui ngo ko sola lelo mais ba phase wana mususu sikoyo réconciliation sécession a chombe wana chombe azana kati ya makambo wana ti ya zaka na sécession na ye tangu gouvernement Adula sali gouvernement chombe azana sécession na ye tokoya ko mona sécession ya chombe ekosi la ndenge nini et puis tokoya ko mona ndenge nini ba acteur mususu na période wana bakoya ko apparaître entre autres Laurent Kabila Pierre Mulele ndenge nini na 1963 bakoya ko apparaître na scène politique na kanisi to suku wana pona lelo lilo basuka no lilo basuka ndeko omoni ata mobule za na kati ya mboka na biso ba kongole ba za na capacité à se réconcilier une grande capacité à réconciliation une grande capacité à résoudre la problème na bango soki batiki ba interférence ya libanda soki ba kongole ba za ko solaka entre bango te okana ka facilement mais soki ba interférence za ko utana libanda et perturbe ka mingi dialogue entre biso donc de plus en plus ba kongole il faut ba zo conscience que problème ezali to vanda nano entre biso ba kongole to solola ole to luka ba médiateur ba tu ya libanda pona ba ko ya ko songa biso ya solo bande ko batali ngonga ezali ngonga na kanisi ngonga oye pesa mera ke biso pona masolo ya mokolo ya lelo je connais le Congo mwana ya sika o polele ya boti ekomi bongo na suka na kanisi eti bulanda ki penza na bokebi honorable Thomas Loaka na eteni ya misato ndenge a beti masolo ya makambo oyo ile kaka na mboka na biso Congo démocratique bongo honorable ilongo na bande ko batali totondio botondi merci mingi ndeko na kotondo pe botondi bino ba ibanso bozakri baku ya kulanda biso omokolo mwa lelo masolo mabiso bokulanda yango na nzela ya Canal Kin Television, Canal Congo Television, pe Radio Liberté Kinshasa, awa na kisasa, pe pona nene te bande kuna biso na Matadi, CCTV Matadi kosunga pe bino pona kopesa bino masolo oyo ya kitoko penza. Na tondi botondi Mike Kamwaka ilongo na Claude Kibuka, bango ba bale basunga kibiso te bolanda masolo oyo na motindo bozi kulanda na kombo ya bango. Tokotombela bino penza kimya, bobote pe bondeko. Independence, Kacha, Tozumiye. Keep one side.